Et si on remontait le temps ? Rendez-vous évidemment est pris, comme chaque matin, avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 15 février avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 15 février 1710, Raphaël, nous sommes à Versailles, le jour de la naissance d'un des rois les plus importants de notre histoire, Louis XV. Il est l'arrière-petit-fils de Louis XIV, mais à sa naissance, il n'est pas destiné à régner, évidemment. Le bébé est en quatrième position dans l'ordre de succession au trône. Avant lui, il y a son grand-père, le grand dauphin, fils de Louis XIV, qui meurt en 1711, puis son père, le duc de Bourgogne, qui trépasse à son tour en 1712, reste le grand frère, le duc de Bretagne, emporté par la rougeole à 5 ans seulement. Voilà une royale hécatombe qui laisse le petit Louis orphelin tout en faisant de lui l'héritier légitime du grand roi qui lui meurt, on en a assez parlé il y a 2 ans, en septembre 1715. Alors attendez, né en 1710, roi en 1715, 5 ans, c'est un peu jeune, non ? Ben oui, et c'est pour ça qu'il y a un régent, hein, son oncle Philippe d'Orléans, qui va gérer les affaires du royaume pendant quelques années. Je dis oncle, en fait, c'est un grand cousin. Louis ne règne véritablement qu'en 1723, sa majorité, donc quand il a 13 ans. Dites-moi Franck, est-ce qu'il s'inspire justement de son arrière-grand-père, Louis XIV ? Oui, et peut-être même s'en inspire-t-il un peu trop dans les premières années du règne. Une sorte de conservatisme va s'installer à la cour, multipliant les références à ce qu'on appelle l'ancien règne. Ou pire encore pour celui qui se doit de succéder et de faire ses preuves, le grand règne. Il n'empêche, les Français l'aiment bien, cet orphelin miraculé, et bientôt ils vont le surnommer le bien-aimé. Il va régner longtemps. Très longtemps, puisqu'il ne mourra qu'en 1774, après plus d'un demi-siècle sur le trône de France. Donc un règne long, prospère, brillant, relativement pacifique, contrarié quand même par beaucoup d'oppositions qui naissent notamment avec les parlements, les milieux philosophiques, etc. De quoi ternir la popularité d'un monarque qui finira mal aimé. Il est certain que l'importance prise au sommet de l'État par ses favorites, Madame de Pompadour puis Madame du Barry, ne va rien arranger. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission consacrée à l'histoire récente du Kremlin.